Actualité. Lundi, le 4 juillet, ici Dominique Lelièvre et les informations. Une manifestation pro-pitbull est en cours devant l'Hôtel de Ville de Québec. Les manifestants réclament des assouplissements dans le règlement municipal, en vertu duquel les propriétaires de pitbull devront se départir de leur animal. Il y a deux semaines, le maire de Québec a ouvert la porte une première fois à des mesures transitoires, mais sans en spécifier la nature. Il a affirmé qu'il souhaitait faire pression sur le gouvernement pour que la réglementation provinciale soit la plus ferme possible à l'endroit des chiens dangereux. Le réaménagement des autoroutes de Québec avec ou sans voies réservées continue de faire des vagues. Le maire Régis Labeaume présentera cet après-midi sa vision pour l'autoroute Laurentienne. Il sera accompagné du président du RTC, Rémi Normand. On sait que M. Labeaume préconise un élargissement de Laurentienne jusqu'au centre-ville et qu'il a fait reculer le gouvernement provincial sur une voie réservée dans le secteur nord. Et entre-temps, eh bien, on a appris que le ministère des Transports avait l'intention d'élargir l'autoroute 40 à trois voies dans chaque direction entre l'avenue Saint-Sacrement et le secteur Cap-Rouge. Les nouvelles voies seront accessibles à tous. La Ville de Québec, qui semble ainsi échapper à la règle que s'est donnée le gouvernement provincial, à l'effet que les nouvelles voies sur les autoroutes devaient être réservées au transport collectif. Et personne ne portait de veste de flottaison sur l'embarcation qui a chaviré au large de l'île d'Orléans hier. Une femme de 64 ans s'est noyée, tandis que les 11 autres occupants ont pu gagner la rive. À leur arrivée, les employés de la garde côtière ont constaté que plusieurs vestes flottaient à l'eau et qu'elles n'avaient pas été utilisées. La cause de la submersion du bateau demeure inconnue, mais on sait que la navigation était difficile sur le fleuve hier avec de forts vents et des vagues de près de 2 mètres. Les enquêteurs devront également déterminer si l'embarcation était sécuritaire pour une douzaine de personnes. Enfin, un autobus hors du commun sillonnera les rues de Québec cet été. Cet autobus qui est orné d'une œuvre de l'artiste Pierre Bouchard, c'est le gagnant d'un concours organisé par la Ville et le réseau de transport de la capitale destiné à mettre en valeur les artistes en art visuel de la région. 5200 personnes ont soumis leur vote, une participation qui réjouit la Ville et qui pourrait l'inciter à renouveler l'expérience l'an prochain. L'œuvre intitulée « Québec vrai » a été créée à la bombe aérosol et au pochoir. Elle ornera donc un autobus du RTC qui va emprunter les parcours 7 et 11 jusqu'au 31 août. Et c'est ce qui complète ce tour d'actualité. De retour à l'émission Midi Jazz.